Paul la reine, hanneton, vol, vol, vol. À Georges Courteline. Jamais de mémoire d'entomologiste, il ne s'était vu en Île-de-France pareille abondance de hannetons. Le hanneton était, comme on dit, pour rien sur le carreau des Halles. Et des accapareurs se syndiquaient pour expédier tout le stock de hannetons disponible vers les pays déshérités où cet intéressant coléoptère n'éclot pas. Le soir, à l'heure des flirts bourdonnants et des aériennes promenades, leur vol, comme un rideau de crêpe, atténuait l'or des couchants. Pendant le jour, la plus légère brise à la cime des peupliers secouait, grêle chocolat, d'innombrables hannetons sur la farine des grandes routes, tandis que dans les champs, encore revêtus de leur robe d'été, des troupeaux de luisantes corneilles sautaient gaiement et croassaient, escomptant, pour quand viendrait la saison des labours, tout le long du sillon, derrière la charrue, une inépuisable provende de vers blancs. Une après-midi de cette année bienheureuse, nous nous trouvions quelques amis et moi en train de déguster le vin blanc et d'admirer la belle nature sous les ombrages, bientôt centenaires, dont sonore l'accueillante auberge du coup du milieu. Un endroit que je vous recommande, à mi-chemin entre le Plessis piqué et Sceaux, tout au pied d'Alpes minuscules, dernier contrefort du plateau de Châtillon, convulsé comme de vraies Alpes, mais dont les ondulations pittoresques ont cet avantage de se couvrir au printemps d'un tapis ininterrompu de violettes et d'œillets, culture favorite des croquants du lieu, et l'été, de fraises succulentes que les mêmes croquants nous vendent très cher en petits paniers. L'étang du Plessis, tout près de là, contribuerait certainement s'il n'eût été entouré de murs par un propriétaire jaloux à embellir le paysage. Mais à deux pas, en manière de compensation, s'ouvre, encadré de groseilliers, le sentier qui conduit vers la fosse Bazin, suburbaine tempée, comparable au plus célèbre vallon grec pour le chant des rossignols et le touffu de ses feuillages. Nous étions donc là, bien tranquilles, dans cette auberge du coup du milieu, sans nous inquiéter, outre mesure, de l'averse de hannetons qui pleuvait sur les tables et dans les verres, non plus que du vacarme mené au-dessus de nos têtes par des milliers de mésanges à tête noire. Détail singulier et que nous remarquâmes non sans horreur. Ces hannetons, vivants encore, et dont quelques-uns, redressés sur les pattes, essayaient même de compter leurs écus, avaient tous la tête coupée. Une servante nous expliqua la chose. C'étaient les mésanges qui se livraient à ce massacre, friande, paraît-il, de hannetons substances grises et qui, par un simple coup de bec, débarrassaient les pauvres bestioles de leur cervelle avec autant d'aisance et de facilité qu'une cocotte opérant un fils à papa. Le symbole parut suggestif. On se mit à parler des méchancetés féminines et chacun racontait son histoire d'amour, plus ou moins, ainsi qu'il est de mode aujourd'hui, pessimiste, gynécophobe et cruel. Mais quand vint le tour d'Hespérite ? Pour mon compte, dit-il, j'eus toujours plutôt de la chance avec les femmes, et ces hannetons ne me rappellent que d'agréables souvenirs. Un, entre autres, un surtout, à la fois touchant et comique. Dans certaines périodes de ma vie, je m'étais adjoint comme compagne une jeune personne que vous avez sans doute connue, et dont le nom importe peu. Qu'on me permette de l'appeler Rose. Légèrement et délicieusement toquée, cette Rose. N'est-ce pas elle qui, pour se donner en hiver l'illusion d'un printemps trop long à venir et qu'elle ne voulait pas attendre, éparpillée au milieu des gazons raidis par le givre, afin de les cueillir ensuite, des violettes apportées de Paris? Puis comme nous passions auprès d'une mare gelée, m'obligeais, homme déjà grave, à me cacher parmi les roseaux et à compléter l'illusion en imitant l'amoureux conseil des grenouilles, alors sous la glace endormie. Je lui ressardisais des sonnets qu'elle faisait semblant de comprendre, et que peut-être elle comprenait. Enfant naïf qui te saoule comme les grives en été, d'un grain de raisin becqueté, viens dans cette île loin des foules. Là, sur un gazon velouté, ô nymphe de Seine, tu roules tes petits flots avec gaieté, nous entendons glousser les poules. Les rainettes et les oiseaux, dans les bois sous les vertes eaux, chanteront toute la vesprée. Et Rose pourra bravement, d'un bout d'une lèvre pourprée, boire au verre de son amant. Car Rose avait l'affection, comment dirais-je, buissonnière, et n'aimait aimer que sous bois. Mais ça, par exemple, elle l'aimait bien. Au premier taillis aperçu, l'élasticité des mousses la faisait rêver. Le moindre parfum forestier mettait un frisson à ses narines. Si on s'asseyait, insinuait-elle alors d'un air ingénu, et nulle frayeur du garde champêtre. Un dimanche, nous parcourions, Rose et moi, suivant l'habitude du dimanche, les sentes fleuries qui s'en vont de Villebon jusqu'à Chaville. Et quoique la route n'y paraisse pas longue, on s'était déjà beaucoup assis. Or, je m'aperçus qu'après chacune de ces haltes, Rose se livrait à un singulier manège. Elle secouait avec frénésie jusqu'à ce qu'un hanneton en tombât, le pied de châtaignier ou de saule marceau qui venait d'abriter nos amours. Elle capturait le hanneton, me faisait admirer les mailles de ses élytres, la finesse de ses antennes qui, terminées en éventail, donnent à ce pacifique insecte la plus belle paire de moustaches que jamais guerrier ait portée. Puis elle le baisait tendrement et le fourrait dans une boîte dont elle s'était munie à cet effet. Nous les emporterons chez nous. Ils s'apprivoisent très bien avec des feuilles. D'ailleurs, ajoutait Rose convaincue, ils nous serviront de souvenirs. Les fleurs sont bêtes, elles meurent trop tôt. Les hannetons durent davantage. Une fois à Paris, Rose installa les hannetons dans le plus beau compartiment de son étagère vitrée. Et c'était du matin au soir des extases. « Tu reconnais bien le gros, celui qui grimpe. Je l'ai pris, ah, le matin, non sans peine, sous le buisson d'où partit un merle. Et l'autre à côté, celui plus petit, nous le pinçâmes sous le noisetier, dont une branche en nous dressant faillit m'éborgner. Je croyais voir le buisson, je croyais voir le noisetier. Revenez-y, charmant, qui me troublait et faisait un peu rougir Rose. » Dès le second jour, Rose déclara que décidément les hannetons dépérissaient faute de grand air et qu'il serait humain, peut-être, de les rendre à la liberté. « Eh bien, ouvre-leur la fenêtre. »« C'est ça, pour qu'ils se perdent dans Paris. Voilà l'égoïsme des hommes, comme s'il ne serait pas plus simple de les rapporter où nous les avons pris, de façon qu'ils retrouvent leur famille. » « C'est une idée. Nous les rapporterons dimanche. »« Mais non, demain jeudi plutôt. D'ici à dimanche, ils seraient morts. » Nous retournâmes donc le lendemain jeudi avec les hannetons à Chaville. Nous refîmes consciencieusement les mêmes haltes. Oh, sans aucune peine reconnue. Et comiquement sérieuse, avec une sollicitude touchante à chacune, l'un après l'autre, Rose délivrait les captifs. « Mais vous en aviez beaucoup de ces hannetons dans la boîte ?»« 6 ou 7, répondit Hespérite de l'air le plus naturel du monde. « 7 ? Fichtre, tous nos compliments, Hespérite. »« Baste, on était jeunes en ce temps-là. Maintenant, hélas, c'est à grand-peine. » Même si je retrouvais une autre rose, que je me chargerais de ramener au bois. 2 pauvres petits hannetons. 30 juillet 1893. Fin de la nouvelle de Paul Arène, Hanneton, vol, vol, vol.